J'attends pas qu'on me porte. C'est un monde solitaire, mon pote. Y'a des choses comme impartageables. Ce qui compte, c'est comment tu te comportes. C'est tout. Si quelqu'un m'offre un bouquet de flowers, ça veut sûrement dire que je suis dead. T'inquiète, ma race, t'es pas le seul à avoir un problème avec ma tête. C'est vrai. J'ai des démons, j'en parle à personne. De toute façon, ça intéresse qui? Magadji, tu crois que je vois pas qu'il y a un mort là devant tes yeux de husky? Et souvent, faut pas trop me cala. Mon corps est là, je suis pas là. J'ai repris l'alcool, sa mère. Je me connais bien, Bellec, l'escalade. Ça peut me coûter cher, mais si j'ai repris, c'est pour leur parler. Sans ça, je peux pas leur parler. Soir, je titube dans l'allée. Je suis connu dans toute la ville, mais nique sa mère, je suis seul. Seul avec les voix dans ma tête, gros, je sais très bien ce qu'elles veulent. C'est tout noir, sentiment dans l'entonnoir. Les autres veulent pas approcher, je suis comme une silhouette dans le couloir. Fuck une vie d'artiste, je vais me barrer quelque part. Comme à la poursuite du bonheur, mais je suis toujours en retard. C'est tout noir, sentiment dans l'entonnoir. Les autres veulent pas approcher, je suis comme une silhouette dans le couloir. Fuck une vie d'artiste, je vais me barrer quelque part. Comme à la poursuite du bonheur, mais je suis toujours en retard. T'es une fille bien, faut que tu restes loin de moi ou tu vas devenir comme celle que tu comprends pas. Je noie le passé dans whisky, 11 ans d'âge, la psy voudrait qu'on s'en parle. C'est mort. Nous c'est le jour qu'on rêve, l'enfer sous les semelles. Et les heures perdues sont devenues des semaines. À quoi bon leur expliquer, j'ai fait le clown devant tout le monde. Mais en vrai je peux pas respirer, des aiguilles dans les poumons. J'ai mal. Celui que j'étais hier, aujourd'hui n'est plus de ce monde. T'imagines pas dans ma tête, il se passe une vie dans une seconde. T'imagine. Devant le miroir, je tourne la tête avant qu'il se mette à sourire. Bien avant d'apprendre à vivre, on a dû apprendre à mourir. Y'a tellement de choses en vrai qu'on aurait pu s'épargner si on s'écoutait parler. C'est tout noir, sentiment dans l'entonnoir. Les autres veulent pas approcher, je suis comme une silhouette dans le couloir. Fuck une vie d'artiste, je vais me barrer quelque part. Comme à la poursuite du bonheur, mais je suis toujours en retard. C'est tout noir, sentiment dans l'entonnoir. Les autres veulent pas approcher, je suis comme une silhouette dans le couloir. Fuck une vie d'artiste, je vais me barrer quelque part. Comme à la poursuite du bonheur, mais je suis toujours en retard.